Culture Wave. Culture Wave, l'émission documentaire dédiée à l'univers de la Wave Music. Wave Music. Culture Wave. Culture Wave. Culture Wave débloque le compteur des années 80. Culture Wave. Artistes, labels, DJ, producteurs. Nous rendons hommage aux fondateurs et aux héritiers de la New Wave. New Wave. New Wave. Culture Wave. Culture Wave. Interview, portraits, mixtapes, concerts exclusifs. Culture Wave, Culture Wave, produit et animé par Greg et Walter, de Sampleur et Sans Reproche, chaque lundi de 23h à minuit sur Galaxy Radio. Galaxy Radio. Culture Wave. New Wave is alive. New Wave, New Wave is alive. Is alive. I feel so fucking alive. Bienvenue, vous êtes à l'écoute de l'émission Culture Wave pour une heure de vrai New Wave mêlée à des choses beaucoup plus électroniques ainsi qu'à la Cold Wave et du Post-Punk. Des courants musicaux toujours en activité et même si ces groupes rendent perpétuellement hommage aux aînés, ils n'en sont pas moins créatifs. C'est parti pour une heure de mix alternant des groupes très connus à ceux qui sont en devenir. Vous aurez droit à Need the Reb, Cellophane, Deform, Unison Lab, The Wake, Prophet Prison, Underviewer, Horde, Throbbing Gristle, Crystal Ann, Nine Circles, Enib, The Human League, Cagoule et Chris Nkosé. Prenez du plaisir à l'écoute de Culture Wave et n'oubliez pas, New Wave is Alive. Culture Wave Mix. Yeah.

Thank you. Thank you. I wanna see. music that forges their union is a substance known only to one. To the clown it is known as dominion. It's a secret that he'll give to none. The drug which gives the clown power means his circus can never be stopped, and his dream can go on unhindered till the last human being has dropped. living.